Exercice 4. Madame, vous désirez ? Bonjour. La veste bleue dans la vitrine, vous l'avez en noir ? Oui. Toutes les vestes, vous les trouvez au premier étage. Je vous remercie. Mademoiselle, je peux vous aider ? Oui. Ce parfum est nouveau, je pense. Oui, on vient de le créer. Je peux l'essayer ? Mais bien sûr, mademoiselle.